Jamie Dinde, Mouna Loco, toujours présent à Yaoundé. Evelyn Gona Aribama, ma maman. René Canepina, le meilleur. The best. Oja matin, Sima Bobi, au malanaga, on y a gangele. Oja matin, Sima Bobi, au malanaga, on y a gangele. Non, gale, dina, ti vous sedi, au melet, na wamene. Non, gale, dina, ti vous sedi. Don't know who to love me, yeah. Don't know who to love me, yeah.